Deux jours après, le cadet Caillot vient révéler à Landry le rôle pitoyable joué par la Madelon et le rôle louable de la Fadette qui a su se taire. Mais il lui apprend aussi qu'elle est déjà partie. Elle allait à Châteaumeillant, et à cette heure, elle n'est pas plus loin que Vieilleville ou bien la côte d'Urmont. Landry laissa son aiguillon à côté au frontal de ses bœufs, prit sa course et ne s'arrêta que quand il eut rejoint la petite Fadette dans le chemin de sable qui descend des vignes d'Urmont à la Frémelaine. Là, tout épuisé par le chagrin et l'engrenade de sa course, il tomba en travers du chemin, sans pouvoir lui parler, mais en lui faisant connaître par signe qu'elle aurait à marcher sur son corps avant de le quitter. Quand il se fut un peu remis, la Fadette lui dit « Je voulais t'épargner cette peine, mon cher Landry, et voilà que tu fais tout ce que tu peux pour monter le courage. Sois donc un homme, et ne m'empêche pas d'avoir du cœur. Il m'en faut plus que tu ne penses, et quand je songe que mon pauvre petit Jeannet me cherche et crie après moi à cette heure, je me sens si faible que pour un rien, je me casserai la tête sur ces pierres. Ah, je t'en prie, Landry, aide-moi au lieu de me détourner de mon devoir, car si je ne m'en vais pas aujourd'hui, je ne m'en irai jamais. » Et nous serons perdus. Fanchon, Fanchon, tu n'as pas besoin d'un grand courage, répondit Landry. Tu ne regrettes qu'un enfant qui se consolera bientôt parce qu'il est enfant. Tu ne te soucies pas de mon désespoir. Tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. Tu n'en as point pour moi. Et tu vas m'oublier vite, ce qui fait que tu ne reviendras peut-être jamais. Je reviendrai, Landry. Je prends Dieu à témoin que je reviendrai dans un an au plus tôt, dans deux au plus tard, et que je n'oublierai si peu que je n'aurai jamais d'autre ami ni d'autre amoureux que toi. D'autres amis, c'est possible, Fanchon, parce que tu n'en retrouveras jamais un qui te soit soumis comme je le suis. Mais d'autres amoureux, je n'en sais rien. Qui peut m'en répondre? C'est moi qui t'en réponds. Tu n'en sais rien toi-même, Fanchon. Tu n'as jamais aimé. Et quand l'amour te viendra, tu ne te souviendras guère de ton pauvre Landry. Ah, si tu m'avais aimé de la manière dont je t'aime, tu ne me quitterais pas comme ça. Tu crois, Landry? Dit la petite Fadette en le regardant d'un air triste et bien sérieux. Peut-être bien que tu ne sais ce que tu dis. Moi, je crois que l'amour me commanderait encore plus ce que l'amitié me fait faire. Eh bien, si c'était l'amour qui te commande, je n'aurais pas tant de chagrin. Oh oui, Fanchon, si c'était l'amour, je crois quasiment que je serais heureux dans mon malheur. J'aurais de la confiance dans ta parole et de l'espérance dans l'avenir. J'aurais le courage que tu as, vrai. Mais ce n'est pas de l'amour. Tu me l'as dit bien des fois, et je l'ai vu à ta grande tranquillité à côté de moi. Ainsi, tu crois que ce n'est pas de l'amour? Dit la petite Fadette, tu en es bien assurée.